Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. On va continuer à chercher le monde du coup, Tof. Bah oui, c'est un peu normal. C'est surtout comme j'ai vu que, tu sais, aux USA, il y a un petit vieux de 80 piges qui a réussi à aller toucher des seins. Je me dis pourquoi pas moi. Oui, il est en prison aussi, hein. Oui, mais c'est parce qu'il a voulu aller trop loin. Oui, parce que toi, tu vas réussir à te contenir, bien sûr. Évidemment. Bon, allez, on va appeler le petit copain de Sophie. Ouais, parce qu'il a envoyé quand même un message pour dire vous pouvez téléphoner à mon homme qui s'appelle Martin. Ouais. Ça risque d'être très drôle. D'accord. Eh ben, écoute, avec évidemment, plaisir. J'étais très chaud. Bien sûr. Allez, c'est parti. On y va, on l'appelle. Salut. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que voilà, j'aurais souhaité palper les seins de votre femme, s'il vous plaît. C'est une blague ou quoi? Ah, pas du tout, monsieur. Non, allez, arrêtez. Il est tôt, là, et je suis pas d'humeur à rigoler. Maintenant. Oui, bon, d'accord. Mais alors, ne rigolons pas et prenons un rendez-vous pour que je vienne lui palper les seins. Vous êtes pas bien, ou quoi? Mais bah, si, monsieur, je suis très bien. Bon, soit, j'ai pas envie de rigoler. Allez. Bonne journée, bisous, bye bye. Mais non, mais attendez, monsieur, quand est-ce que je peux venir lui toucher les seins? Ah, tu vois qu'au début, il rigolait, et puis après, il dit... Non, attends, il se fout de ma gueule ou quoi? C'est vraiment vrai, hein? Je vais casser la gueule, ce con, là. Bon, donc, surtout, il a quand même dit bisous. Hein. Oui, bisous, bye bye. Bisous, bisous, allez, bye bisous, bye. Bisous, bon, on va le rappeler. Oui, hein, rappelons-le. Allez, c'est parti. Et on met une petite couche, là, quand même. Puis il y aura Peter, là, après. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, on n'a pas pu prendre rendez-vous. Vous n'avez pas été coupés, j'ai raccroché. Vous avez dû faire une fausse manipulation. Alors, donc pour ce rendez-vous de palpage de sein, quand est-ce que je peux venir? Oh, vous n'êtes pas bien, sincèrement, vous n'êtes pas bien. Mais si, tout va très très bien dans vous ma tête. Vous n'êtes pas bien, vous croyez quoi? Je vais laisser comme ça ou quoi? Laisser comment, monsieur? Je ne comprends pas. Je suis dans le gaz pour l'instant et j'ai pas envie de rigoler avec ça, ok? Mais attendez, monsieur, je ne suis pas là pour rigoler, je suis là pour palper. Mais pour palper quoi? Bah, les seins de votre ami. Mais palper couille, hein. Effectivement, il avait l'air plutôt chaud, hein. Il était sympathique. Ah, oui. ouais, merci ouais. À Sophie de nous avoir donné ce numéro de téléphone là, ouais. Garçon très charmant, hein. Ouais. Palpe tes couilles. Tu l'embrasseras pour nous. Mais oui, mais palpe tes couilles, bien sûr, ça c'est pas mal. Bah, c'est il a pas mal. Tort, hein. Oui, non, mais bien il sûr qu'il a pas tort. Non, mais il a pas tort, évidemment, mais. C'est bien trouvé. C'est exactement, oui, tout à fait. Voilà, attends, je veux juste quand même. Mais palpe tes couilles, hein. Ben oui, mais palpe tes couilles. Bon, bah très bien. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. Eh oui. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou avant d'écouter Enrique Iglesias avec Pitbull. I like how it feels sur Fun Radio. Les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, c'est chaque matin. Vous savez maintenant que vous pouvez laisser ce numéro de téléphone à tous les relous que vous pouvez rencontrer. Des mecs qui viennent vous draguer, votre patron éventuellement, des collègues, votre directeur, votre prof à l'école, la police, bref, peu importe. 0-473-86-00-13. Et on va écouter les messages de ce matin. Bonjour Nathalie, c'est Jean-Philippe. Tu m'avais promis de passer à la maison à 8h pour nettoyer les saloperies que tu avais laissées dans la bagnole. Et ben, j'ai dû le faire tout seul avant que ma femme tombe dessus. Bon, tant pis, c'est fait. Merci. Hein. C'est sa maîtresse. Enfin, en tout cas, c'est sa maîtresse d'un soir, hein, ouais, visiblement. C'est ça. Hein. Elle a dû le déglinguer sur le parking. Ouais. Ça n'a pas duré bien longtemps. Bon, deuxième message, c'est sur la ligne en tirant l'eau. Hein. Non, j'aime pas beaucoup. Oui, bonjour Lorena. Oui. Je te téléphone, je vais ton annonce au Viva Street. Voilà. Si tu recherches un homme entre 20 et 50 ans du côté de YouTube, pour rencontre contre qui, voire très chouette. Tu peux me renseigner au 0475. Je te remercie. À bientôt. Mais oui, je te remercie, à bientôt avec cette voix de pervers. Hmm mm-hmm. Mais oui, ça excite tout le monde. Non, pas du tout. Mais oui, oui, arrête un petit peu de me dire des par conneries contre, toi, comme ça. Toi, t'as l'air très excité. Oui, mais toi, t'es excité avec pas grand chose. Oui, c'est ça. Moi, une fois, elle m'appelle, elle me fait ça m'excite. Bah, ouais. Bien sûr. Mais bon, allez. Elle m'appelle, et déjà, ça t'excite. Troisième message ce matin, écoutez. Si c'est toi. C'est ça. Allô, toi, je te préviens, laisse-moi tu tranquille. Hein. Je te préviens, fais attention à toi. Hein. Ça fait deux ans que je suis avec lui. Tu crois, faut pas croire que ça va être un type qui va monter dans, je sais pas d'où là, il va venir casser mon couple. Hein. Je t'assure, tu dois faire attention à ça que je t'attrape, tu vas voir. Tu me connais pas, fille. Je suis plus grande que toi, donc fais pas de respect, s'il te plaît. Ouais, vas-y. C'est une gamine de merde. Vas-y, c'est bon. Elle en pleine forme, elle. En tout cas, c'est bien parce que tu sais, une meuf comme ça qui te parle et tout, tu craques directement, quoi. C'est normal. Ah, moi, je, ouais, je peux comprendre. Bah, elle craque, ouais. Évidemment, ouais. Évidemment. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Nous allons prendre Sébastien Loeb maintenant en direct de Uccle. C'est à Bruxelles, encore une fois. C'est ouais. Gâtine Gamant, c'est bien ça? Rue ou avenue, je sais plus. Oui, je suis au Gâtine Gamant, voilà, c'est ça. Je suis tout près d'une station Shell, donc je vais rentrer dedans. D'accord. Et je vais créer un petit peu, donc voilà. Est-ce qu'il y a du monde dans la station Shell ou il n'y a que le vendeur? Il y a le vendeur et le patron, il y a le patron, en fait. Il y a un monsieur qui sort en noir, donc on va aller voir. Ah ouais, c'est, à mon avis, c'est le vigile. t'inquiète, il va peut-être 2-3 petits coups après, ça va te faire du bien. C'est ça. Allez, hop. C'est parti, 1, 2, 3. Il est dans une station service. Hein. Les mecs doivent le regarder en disant mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Certainement, oui. Ah, mais en plus, tu nous écoutes en plus, Diffy. Donc, ah merde! Oh, ça a servi à rien, merde! Tu nous écoutes en plus, donc c'est la station Shell. On peut, au pire, je peux passer un peu le patron de minute ou quoi? Oui, bah passe-toi le patron, on va essayer de négocier des plats gratuits. Ah bah oui, il va être d'accord. Bah tiens, écoute. Gratuit, bah bien sûr. Bah attends, attends. Allô le patron? Pas le patron, le gérant. Ah, le gérant, bon c'est pareil, on va un petit peu se faire mousser quand même. Hein. Bon, comment, voilà, tu comment tu t'appelles? C'est Monsieur Ferrari. Bah oui, mais ton prénom c'est quoi? C'est bon ça. Chez les Ferrari, c'est bon ça. Mohamed, c'est bon ça. Bon, et Mohamed, dis donc, il y a moyen de faire un petit cadeau là pour les auditeurs qui passent éventuellement ce matin à la station? Pardon, j'ai mal compris. Je dis, il y a moyen de faire un petit cadeau pour les auditeurs qui passeraient à la station ce matin là? De notre part ou de votre part? Non, de votre part, évidemment, évidemment. Genre un petit café gratuit ou. Ah bah, Shell, elle fait des cadeaux chaque matin, hein. Ah, très bien. On a des cadeaux trimestriels. Pour le moment, on a des cadeaux qui ont des réductions sur la gamme de Philips. Allez, c'est parti. De 10% jusqu'à, ça peut arriver jusqu'à 50%. Oh là là, quand même. Mais alors, est-ce qu'on peut éventuellement, si je viens ce matin, là, faire le plein de la voiture gratuitement? Le fait de faire un plein minimum de 25 litres, déjà ils ont une réduction de 10% quand sur même. Un article de Philips. Ouais, quand même, mais c'est pas mal. Ah bah voilà, bon. Donc c'est de l'argent quand même. Ah bah c'est vrai. Bon, bah, Mohamed, en tout cas, merci à toi et puis n'hésite pas à taper sur l'OB, hein, d'accord? Ça va, ok. Salut Mohamed, à bientôt. Et là, tu peux revenir pour la déclaration express dans 40 minutes. Salut Mohamed et bonne journée à toi aussi. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits... Mickaël à la radio. Et si vous n'avez pas la télévision par satellite, eh bien hier soir vous avez certainement raté un grand moment, une grande émission sur la chaîne française NT1. Voilà, mais comme je suis gentil, je vous offre le meilleur, le caviar de... Les ch'tis à Ibiza. Non, ça va être sur Plug par contre, mais c'est presque ça. En fait, ce sont les rois de la drague à Ibiza. Alors vous vous souvenez sûrement des ch'tis à Ibiza, évidemment. Hein. Mm-hmm, bien sûr, on peut pas les oublier. Bah, évidemment, évidemment. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans. Et je vais le tourcoin. Voilà, donc ça c'était les ch'tis à Ibiza. Eh bien, il était possible de faire pire. Et oui, ça s'appelle les rois de la drague à Ibiza. On est là pour pécho le maximum de mecs. Et donc comme ça, évidemment, c'est clair, on sait dans quoi on arrive. Hein, et donc voici une bonne méthode de fille pour draguer. Vas-y, colle-toi. Bah ouais, montre-lui tes seins, dis-lui, regarde comment ils sont beaux mes seins. Tu lui fais ça, tu lui fais, ouais, t'aimes bien. Eh oui, t'aimes bien, t'as vu un petit peu comment elle est. Mais oui, tu vois, mais c'est de la bonne drague de meuf, tu sens pas la meuf en chien. Pas du tout. Mais il n'y a pas que des filles dans les rois de la drague, on a aussi évidemment un mec, comment dire, sûr de lui. Je vois pas comment elle pourrait résister à un corps comme ça, aussi parfait, aussi musclé. Franchement, je vois pas, je serais une fille, je sauterais sur moi tout de suite, quoi. C'est vraiment la perfection au masculin. la perfection masculin. Et donc, je ne suis pas du tout imbu de ma personne. Pas du tout. Et donc, il est tellement persuadé qu'il est le roi de la drague, en fait, qu'il se lance dans un vrai défi, comme un conducteur d'à côté. J'irai une petite sirène. C'est le même genre de compliment que tu dis à ma fille ou bien Donc en fait, donc il a pas peur le mec, en fait il y va comme un bourrin, et on rappelle que c'est à la mère de sa copine qu'il dit ça, hein, donc Vous avez quand même un beau corps, limite même mieux que votre fille. Sérieux? Bah ouais. Ah bon? T'es pas un peu en train de me draguer là? Non, pas du tout. T'es sûr? Non, j'ai ce que je pense qui vient du cœur. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Hein, voilà, donc, et comme il dit ce qu'il pense, qui vient du cœur à la mère de sa copine, et c'est beau. Mais c'est horrible. Mais la mère, elle est contente. Et comme je dis toujours, quand on se fait prendre, ne jamais avouer. Et ça, par contre, il l'a bien compris. Hein. C'est quand même exagéré, vous dites que je vous draguais. Jamais j'aurais osé ça. Non, mais j'hallucine. Alors, je suis une menteuse. Mais je vous dis pas que vous êtes une menteuse, vous voyez. Mais tu le dis, tu vas pas croire ta mère quand même. Vous prenez tout au premier degré. Mais parce que, je suis désolé, on prend tout au premier degré, le mec il est en train de me faire des compliments, je voudrais que je le prenne comment? Au 36e degré là. Eh oui, voilà, au 36e degré. Eh ben voilà, c'est comme ça. Il était bon, lui, il était c'est bon. C'est ça, exactement. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.